dors quand le soleil se lève. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nana, la cove ne crame pas, c'est un aquarium de weed. La misère, un chemin que l'Afrique n'a pas évité. Ok, je vivrais par principe, mais je mourrais pour mes idées. L'amour, un vêtement, avant de se prendre, on s'essaye. Mon cœur tombe en automne, je rappe de violentes séquelles. Pour les MC à Mastercard, moi, on peut pas m'acheter. J'ai oublié des amis, car je me rappelle de leur lâcheté. Je pense tout le temps pendant que les autres font la fête. Banlieusard et fier de l'aide, et je fais des mots avec. Un cas sur un matelas, je suis pas d'une famille aisée. Rebeu en LV qui signe un Renault à mal élevé. Croise un grand qui sort du Stein dit wesh ma gueule. Maintenant tous les petits de la thèse disent wesh ma gueule. Toutes les meufs que je croise en boîte disent wesh ma gueule. Dans le salon se croit tout permis wesh ma gueule. Et je vois tout le monde à la foule crier wesh ma gueule, wesh ma gueule. Les Parisiens et même les Marseillais wesh ma gueule, wesh ma gueule. Micro ouvert, guichet fermé wesh ma gueule, wesh ma gueule. Chez toi on dit quoi? Par ici nous on dit wesh ma gueule. Jusqu'à Pérage, débarque au monde. Dans ce game, y'a beaucoup d'acteurs. Pour que tu reconnaisses mon timbre de voix, dont j'ai tranglé ton facteur. Pas besoin de souffler sur des bougies pour rapper comme je veux. Barthes dit que cette punchline est tirée par les cheveux. Quand je vois ton rap, j'ai des vertiges. Banlieue sale est au sommet. Tu peux toujours me crever les yeux, mais t'arrêtes pas un visionnaire. Tu me dis qu'à fois, je te dis qu'à drap. Un coup de feu sous un drap. Kilogramme en moi, j'ai un côté ragaman. Ton rap est relou comme la pluie, F.A. Baby Sunshine. Si on récolte ce que l'on sème, j'ai des hectares de punchline. Quand la violence cherche du taf, c'est les 9-3 qui postulent. Ok, je suis peut-être pas né au bled, mais je peux fumer par coutume. Vois un grand qui sort du Stein dit wesh ma gueule, wesh ma gueule. Maintenant tous les petits de la thèse disent wesh ma gueule. Toutes les meufs que je croise en boîte disent wesh ma gueule, wesh ma gueule. Dans le salon se croit tout permis wesh ma gueule, wesh ma gueule. Et je vois tout le monde à la foule crier wesh ma gueule, wesh ma gueule. Les Parisiens et même les Marseillais wesh ma gueule, wesh ma gueule. Micro ouvert, guichet fermé wesh ma gueule, wesh ma gueule. Chez toi on dit quoi? Par ici nous on dit wesh ma gueule. Wesh ma gueule, wesh ma gueule. Pour tous les mecs enfermés wesh ma gueule, wesh ma gueule. Nanterre fleurit la santé wesh ma gueule, wesh ma gueule. Tous les jeunes se mettent à chanter wesh ma gueule, wesh ma gueule. Strasbourg, Bordeaux, Béziers wesh ma gueule, wesh ma gueule. Nantes, Lille, Toulouse, Montpellier wesh ma gueule, wesh ma gueule. Mes Auxerrois et mes Lyonnais wesh ma gueule, wesh ma gueule. Moisy,